Un rapport publié par la Fondation David Suzuki estime que l'industrie minière doit être plus consciente des changements climatiques. Selon l'étude menée par des chercheurs du secteur minier et universitaire, même si les aléas climatiques ont durement touché les activités minières, les sociétés sont lentes à s'adapter. Reportage Robert McMillan. Depuis 20 ans, certaines mines au Canada ont dû réduire leurs activités à cause d'un manque d'eau, une conséquence du temps plus sec. Et les températures hivernales plus élevées ont entraîné la fermeture de routes de glace, lien essentiel pour l'approvisionnement de mines dans les régions nordiques. Malgré cela, la Fondation David Suzuki, à l'aide de deux sondages réalisés auprès d'employés de production et de dirigeants des minières, constate qu'il y a peu de mesures proactives pour s'adapter au changement climatique. On constate tout au plus une volonté de réduire les gaz à effet de serre pour répondre aux normes gouvernementales. L'analyste à la Fondation David Suzuki, Dale Marshall, croit qu'il doit y avoir une prise de conscience parmi les cadres d'entreprise. Ceux qui travaillent dans la direction, il y en a seulement un quart qui perçoivent ce risque-là. Alors, il y a quelque chose qui manque au niveau du leadership dans beaucoup de ces compagnies-là. Le vice-président de l'Association minière canadienne, Paul Stottert, n'est pas d'accord. The executives of the companies are very, very committed and engaged on that TSM, and certainly they are the key drivers. Il soutient que plusieurs dirigeants de l'industrie sont impliqués dans l'élaboration d'une stratégie de développement minier durable pilotée par son organisme. Robert McMillan, Radio-Canada, Sud.